Bonjour, moi c'est Mathieu B et je réponds avec grand plaisir à l'invitation de Tapis Virginia qui porte fièrement le flambeau du Frankencast dans cet épisode 8. Alors Tapis Virginia, tu nous as posé la question dans ce nouvel épisode de qu'est-ce que c'est pour vous les jeux alternatifs et qu'est-ce que vous y cherchez? Eh bien, je suis très embêté pour répondre à ta question. Car je n'utilise pas du tout le terme de jeu alternatif pour parler notamment des jeux de rôle. Pourquoi je n'utilise pas ce terme alternatif? Bonne question. C'est tout simplement pas un terme de vocabulaire qui me vient à l'esprit pour parler des jeux auxquels je joue. Alors, je tiens un blog qui s'appelle C'est pas du JDR, dans lequel je présente des jeux de rôle et des GN peu ordinaires. Qui sortent un peu des sentiers battus, qui présentent certains degrés d'originalité. Mais pour autant, je ne considère pas que ce sont des jeux alternatifs. Alors, où est-ce que je situe, comment je situe tout ça? Pourquoi j'utilise pas ce terme-là? Eh bien, bon déjà, le jeu de rôle, je trouve que c'est une activité alternative. On se réunit entre copains ou entre inconnus, entre collègues, pour jouer une demi-heure, 1 heure, 8 heures, pendant des années, à faire semblant d'être des personnages, à incarner des personnages dans des univers imaginaires, de manière coopérative, même s'il peut y avoir de la concurrence entre les personnages, les joueurs, eux, coopèrent quand même. Et c'est mine de rien quelque chose, une activité qui est sacrément en marge de ce qu'on a l'habitude de faire. Dire moi avant de découvrir les jeux de rôle, c'était vraiment pas quelque chose que je pouvais imaginer faire avant qu'on m'invite à une table de jeu. Et je pense que pas mal de monde qui découvre les jeux de rôle, si ça leur parle, ça peut devenir vraiment véritablement une passion. Bah, tellement c'est différent. Voilà. Pas alternative dans le sens de différent du coup. Du coup, je comprends très bien ce qu'on entend par jeu de rôle alternatif. En général, quand on dit jeu de rôle alternatif, ça veut dire un jeu de rôle lui-même différent. Alors différent de quoi? Différent des 3 ou 4 jeux de rôle les plus pratiqués. Différent de Donjons et Dragons, différent de Cthulhu. Différent de Pathfinder par exemple. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui jouer à Donjons et Dragons en 2020? Est-ce que c'est pas une version alternative de jouer à Donjons et Dragons dans les années 80, dans les années 90? Et est-ce que moi l'originalité que je cherche dans les règles de mes petits jeux bizarres, est-ce que au final, un rôliste qui joue à Pathfinder, lui, cette originalité, il ne la cherche pas au niveau de son scénario, au niveau des combats qu'il va animer à la table. Ça, je le sais pas. Du coup, je me sens pas légitime à utiliser ce terme d'alternatif. Alors, je comprends tout à fait qu'on puisse l'utiliser, mais. Je ne suis pas du tout en train de dire bouh, la police du jeu de rôle interdit de parler de jeu alternatif, pas du tout. Ça peut être une revendication de dire jeu de rôle alternatif. Pour présenter un de ces jeux, pour donner envie à des rôlistes de jouer différemment. Ou ça peut être aussi une façon d'indiquer fièrement que son jeu porte des messages qui sont importants pour soi et qu'on juge différents des messages qu'on peut trouver dans d'autres jeux. Alors quand je parle de jeux de rôle avec des messages, on s'entend bien, tous les jeux de rôle n'ont pas forcément besoin de porter des messages. On peut très bien avoir des jeux qui portent des messages, des jeux qui n'en portent pas. On peut très bien jouer pour juste s'amuser et se divertir. De même qu'on peut tout à fait se divertir dans les jeux de rôle avec des messages. Mais il peut y avoir dans certains jeux vraiment une revendication à ce niveau-là. Voilà. Revendication à être différent. Moi, j'ai une approche des jeux de rôle qui me vient, je pense, des jeux vidéo. Parce qu'à la base, quand j'étais petit, j'étais avant tout passionné de jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, très tôt, j'ai appris à mettre un peu les mains dans le cambouis, à faire de la bidouille et à créer des petits jeux pour m'amuser avec mes copains au lycée, etc. Et donc j'ai pris des jeux existants, je les ai un petit peu modifiés, j'ai créé mes propres jeux, après je les ai un petit peu modifiés dans le temps, etc. Et ce que je recherche moi dans les jeux vidéo par exemple, c'est d'être sans arrêt étonné par les nouvelles façons de jouer. Et ben, dans les jeux de rôle, c'est ce que je recherche aussi. Et je me pose pas la question de savoir si c'est différent de ce que font 99% des rôlistes ou pas, hein. Ça se tombe, on est bien plus nombreux que. On est très nombreux à rechercher ça aussi. Mais moi, je le trouve ça dans des petits jeux, donc du coup, j'en parle beaucoup. Mais je lis beaucoup de petits jeux sans arrêt, une sorte de boulimie de la lecture de jeux de rôle. Parce que justement, ce que je recherche, c'est cet étonnement. Quand il y a un auteur qui me dit, tiens, t'as jamais joué à ça comme ça. Ça me donne envie d'essayer d'y jouer comme ça, d'y jouer autrement au jeu de rôle. Voilà, alors du coup, tout ça en termes de conclusion, je pourrais dire que pour moi, les jeux de rôle alternatifs, ça reste un peu un mystère, même si. Je vois très bien des gens utiliser ce terme et que je trouve ça très cool de continuer à l'utiliser. Toujours est-il que je pense que on peut aussi avoir cette impression de différence sans forcément jouer à des petits jeux et qu'on peut retrouver ça dans d'autres pratiques de jeux de rôle. Voilà. Ah, merci beaucoup encore à Tapis Virginia pour ce Frankencast. Portez-vous bien, jouez bien et des bisous. Salut!